Golgotha. Le sang de Jésus a coulé, mais il demeure éternel. Les enfants sans intelligence, mais où qui va t'aider? appartient pour des siècles et des siècles.